Sale mes baskets, sale mon manteau, je refoule des chaussettes, j'ai les cheveux bien crado, on renifle à 100 mètres, vaut mieux me voir en photo, et j'ai toujours ma place dans le métro. Sale mes baskets, sale mon manteau, c'est tous les jours ma fête, et ça emmerde le prolo. J'ai vraiment pas la tête à chercher du boulot, et j'ai toujours ma place au bistrot. Sale mes baskets, sale mon manteau, je refoule des chaussettes, j'ai les cheveux bien crado, je me fais péter la tête, et je vis en stéréo, et j'ai toujours ma place dans le métro. Sale mes baskets, sale les crados, ceux qui tiennent les manettes de notre monde parano, des mitraillettes qui roulent en char d'assaut, y'a toujours de la place dans leurs hostos.